بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على المعية. هل المعية يلزم منها أن يكون الله مختلطا بخلقه؟ لا، لا يلزم ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، طيب، بعد هذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ما زلنا في سياق الكلام على المعية في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى، يعني العقيدة الوسطية ده مجموع الفتاوى توسي كتب متغيوني دون لا بد فنشكال. في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج لتحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كدي شيخ الإسلام كتوسك الله سبحانه وتعالى دي بعبور على المعية tout en étant au-dessus de son arche est une réalité qui n'a besoin d'aucun tahrif. Cependant, il faut préserver ce fait des pensées mensongères. C'est-à-dire, il faut expliquer, il faut clarifier aux gens. Wa qala fi fatawa al-hamouiyya min al-majmou' al-mazkour jima' al-amr fi dhalika an al-kitab wa sunna yahsulu minha يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن التحريف الكلام عن مواضعه وللحاد في أسماء الله وآياته. Qui dit comment joindre entre les deux, c'est tout simplement que le kitab et la sunna sont deux choses qui amènent à la perfection dans la guidée pour celui qui médite le livre d'Allah et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم et qui veut la vérité réellement, et qui se détourne des tahrifs, qui sort les kalams de leur contexte, et de l'ilhad dans les asma' Allah et dans ses ayats. وَلَا يَحْسَبَ الْحَاسِبُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُنَاقِذُ بَعْضَهُ بَعْضًا وَبَعْضُهُ بَعْضًا أَلْبَتَّ مِثَلْ يَقُولَ الْقَائِلِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ونحو ذلك فإن هذا غرض. Donc faut pas que quelqu'un se mette à penser que il y a un tanakoud entre les deux aqwal. D'accord? Que le fait que Allah il dise qu'il est du arsh et après un verset dit qu'il est avec nous. Ou que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ait dit que lorsque l'un d'entre vous se lève pour faire la salat que Allah est devant lui. Penser qu'il y a une contradiction, cela est une erreur. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينها وبينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Il dit justement le fait que Allah soit avec nous réellement et également au-dessus du arsh réellement, cela est tout à fait réalisable de joindre entre les deux, comme il dit dans le verset, dans le sens où il dit il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi sur le arche, il sait ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend des cieux, ce qui y retourne, il est avec vous, où que vous soyez, et que Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Fa'abarana ufuq al-arsh يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. Donc c'est à dire qu'Allah a informé qu'il était au-dessus du arsh lui-même clairement et il a dit qu'il connaissait toutes choses et qu'il était avec nous où que nous soyons. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah est au-dessus du arsh et il sait tout ce que vous faites. Donc là, c'est comment Sama'iyya bi'ilmihi. Et également, le chef a cité également par son basar, par son sama', par son tadbir, par son sultan, tout ça on l'avait pris également. وعلى من التفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه من ثلاثة وجوه. Donc il dit justement le fait qu'Allah soit au-dessus du arche et qu'il soit avec nous, cela il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire que Allah est élevé par son essence. Et cela par trois wujuh. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. Qu'est-ce que Allah a joint dans son livre, pour lui-même, dans son livre qui est clair et qui est exemple de tout tanakud, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Parce que Allah dit, il n'y a pas de tanakud. وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَهِ وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك أو تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند عيد الليل وجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc maintenant tout ce que tu pourrais penser comme étant un tanakud dans le Coran, dans ta vision à toi, cela doit te pousser encore plus à bien méditer sur le Coran, dans le sens où Allah est dit, et ne médite pas sur le Coran, car s'il venait d'autre que Allah, ils y trouveraient certainement divergence, contradiction. Donc le problème, c'est-à-dire que le khalel, s'il y a un khalel, il n'est pas dans le kitab, mais dans ton fahm, à toi. C'est à toi de te remettre en question. فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فَعَلَيْكَ بِالطَّرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et si jamais tu n'arrives pas à discerner, toi, tu suis la voix des rassirina fil ilm, ceux qui ont dit, nous avons cru, et tout provient de notre Seigneur. Tastaslim il amr, istislaman ta'aman. Hada. Tu dis, j'ai pas compris, mais une chose que j'ai bien compris, c'est que c'est le kalam d'Allah Azza wa Jal, et que ce qu'Allah dit, un kalam ou un khel kalam, khel hadith kitabullah. Donc je ne doute pas qu'il y a une chose qui m'a échappé à moi en tant que petite créature réduite et limitée dans cette immense parole de celle de mon créateur. Ah, tu marches là-dessus, Inch'Allah taslam. Mais il y a besoin de ta wada. Il y a besoin de modestie. C'est-à-dire, je veux toujours tout savoir. Pourquoi, comment, j'ai pas compris, c'est qu'il y a un problème. On dit le problème n'est pas dans le Coran. Le problème, il est ton ferme à toi. Et il se peut qu'Allah t'éprouve pour une chose qu'il connaît dans ton cœur. Ou il se peut qu'ils veulent que tu t'efforces à faire plus d'efforts dans les doa, Cheikh l'Islam, rahmallahu ta'ala, lorsqu'il ne comprenait pas une mas'ala, il faisait stighfar après le fajr plus de 1000 fois. Et un doa pour que Allah lui fasse comprendre la mas'ala qui lui avait échappé. Wa kulli al-amr li munazzilihi alladhi ya'lamuhu wa 'alama an al-kusur fi 'ilmik aw fi fahmik wa an al-Qur'an la tanaqud fihi, comme on a dit. ولهذا الوجه أشار الشيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. Est-ce que Cheikh Islam a voulu indiquer dans son kalam précédent par rapport à ça, qu'il n'y a pas de tanakud, un tanakud qui apparaît, il est relatif par rapport à notre compréhension. وكذلك قال ابن القيم كما في مختصر السوايق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل انه مجاز قال وقد اخبر الله انه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرنا بين الامرين كما قال تعالى وذكر ايه سوره الحديد ثم قال فاخبر انه خلق السماوات والارض وانه استوى على عرشه وانه مع خلقه يبصر اعمالهم من فوق عرشه كما في الحديث الاوعل والله فوق العرش يرى ما انتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. Donc après c'était une parole de Cheikh l'Islam également Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui va dans le même sens. Pas besoin de la retraduire, c'est ce que je viens de citer à l'instant. Et donc le ulou d'Allah ne s'oppose pas à la ma'iyya et la ma'iyya n'annule pas le ulou ni l'un ni l'autre, mais on peut joindre entre les deux. Donc ça c'était le premier wajh. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض également la réalité de la ma'iyya ne suppose pas au ulou que chose soit élevé et la chose est possible même dans les makhloukat dans les créatures quand quelqu'un dit nous parcourions et la lune était avec nous est-ce que cela est tanakoud il y a pas tanakoud est-ce que la lune elle est avec toi sur terre elle est dans les cieux bien haut bien loin mais quand il est avec nous c'est-à-dire on la voyait et nous éclairait d'ailleurs tu te rappelles on avait pris ça dans l'ajroumiya al maf'oul ma'a tu vas dire sirna wal qamara sirna wal qamara c'est-à-dire on parcourait que le qamar était là ma al fa'il est-ce que ça veut dire que le Qamar est en train de parcourir avec toi ? Non. Que le Qamar était là dans le sens que tu le voyais et tu t'éclairais par sa lumière. Donc personne ne va comprendre cela que le Qamar, la lune, est descendu des cieux pour être avec toi dans ton parcours. فإن كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب الأولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان donc la dixième cela est possible entre les makhloukat alors avec le créateur cela est encore plus tamam et que la ma'iyya n'implique pas forcément un regroupement dans le même lieu. Un exemple qu'on peut donner, tu vas dire à quelqu'un, idhabunak ana ma'ak. Kama qala azza wa jalla Musa wa Harun qala innana nakhafu an yafrutu alayna aw yatagha. À propos de Pharaon, on a peur qu'il abuse de nous. Il a dit idhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. Allez-y, je suis avec vous car certes je vois et j'entends. Innani ma'akuma, je suis avec vous deux. Et après, comment ça a été expliqué ? Asma'u wa ara. J'entends et je vois. C'est-à-dire que Allah, il va être avec toi, comment ? Par son soutien. Hadhihi al-ma'iyya al-khassa. Car la ma'iyya est de deux sortes. Al-amma, c'est que Allah, avec toute sa créature, toute sa création, par son ilm, par son basar, et al-zalika. Et al-khassa, c'est qui pour qui ? Qui est pour les mu'minin. Surtout lors de l'épreuve, et les anbiya avant eux, les mursalin avant eux. Et cela, c'est khas pour les mu'minin, les mustaqimin, les salihin, les mukhlisin. Dans ce qu'ils font comme qiyam, juhud, fil difa'an il-haq. Que Allah est avec eux. Et au même exemple, entre créatures, comme j'allais le dire au début, anta tamshi le maken, tu vas faire quelque chose de difficile. Masalan, tu as une tâche à accomplir, assez difficile à entreprendre. Tu te sens un peu seul. Et tes frères te disent. Vas-y, fais-le, on est avec toi. Pour toi, c'est pas parti avec toi. Dans quel sens on te soutient ? Toi même, on te soutient. Pourtant, t'es parti faire cette tâche-là tout seul. Mais ces frères-là, toi, on dit, nous, demain, un frère, un exemple, il veut faire la hijra, il a peur. Un endroit inconnu, rien du tout. Des fois, on va dire, idhab tawakkal nahnu ma'ak. On t'encourage, c'est-à-dire, y aller, fais-le, on est avec toi. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont partis avec lui ? On va dire, mumkin, sana al-haq bik ba'dain. Inch'Allah, on va te rejoindre. Mais elles, ils disent quoi ? N'abandonne pas, baisse pas les bras, vas-y. Awalan, Allahu ma'ak. T'as même, et sache que tes frères sont avec toi. On te soutient. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ou takhruj talab al-ilm ou al-zalika, une chose qui effraie un peu au début, dire fais, on est avec toi. Wa ila hadha al-wajh ashara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmou' fi al-fatawa al-hamawiyya. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ومحاذة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجوم معنا والنجوم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فوالله ما خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. Donc là, يعني le sens du kalam du Cheikh al-Islam, c'est comment dire là à peu près. C'est le sens, c'est-à-dire les exemples ne sont pas les mêmes, mais ça revient au même. D'accord ? Que ma'a, en la langue arabe, tu l'appliques en mesure du siyak du kalam. Le ma'a n'applique pas forcément, bien que ce soit un zolf zemen, mais son ma'a n'applique pas forcément un contact ou une présence ou un zélika. Sauf si c'est précisé. Ça, tu dis, pars, je pars avec toi. Là, il y a une présence. D'accord ? Ou t'akoul, khouz hada fa khouzou ma'ak. Prends ça, je vais le prendre avec toi. Ça inclut quoi ? Une présence et une aide. Mais des fois, ça peut être autre chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et avec sa création, réellement, mais réellement ne veut pas dire par sa présence au milieu de la création, car ma'a en langue arabe ne veut pas forcément dire cela, comme les ulama viennent de prouver, et qu'il est au-dessus de son arche, réellement, bi-dhaatihi. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala fa'inna man kana aliman bika متدعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع امورك فهو معك حقيقه وان كان فوق عرشه حقيقه لان المعيه لا تستلزم الاجتماع في المكان دونك لا دي الشيخ الوثيمين يدي que الشيخ السبايو raison ce qu'il a dit que celui qui sait ce que tu fais qui voit ce que tu fais qui te soutient qui entend ce que tu dis qui voit ce que tu comment tu agis et qui contrôle toutes tes affaires il est avec toi. Mais là, il fait allusion à qui ? Allah Azza wa Jal. Il est avec toi. Et pourtant, il est aussi du Arsh. Al-Wajhu Thalith, annahu law farada imtina' ijtima' al-ma'iyyati wal-'uluwi fi haqq al-makhluq, lam yalzam an yakuna dhalika mumtani'an fi haqq al-khaliq allazi jama'a li nafsihi baynahuma. Lianna Allah Ta'ala la yumathilu shay'un min makhluqatihi kama qala Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa was-sami'u al-basir. Wa ila hadha al-wajh shara shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah في العقيدة الوسطية حيث قال donc il dit maintenant admettons que cela soit impossible pour la créature de joindre entre l'élévation et la ma'iyya que une créature elle soit haute et qu'elle soit avec toi admettons allez on dit que cela est faisable il dit est-ce que cela sera impossible pour Allah Azzawajal également non car Allah Azzawajal il n'y a rien qui est comme lui c'est-à-dire qu'il se peut qu'il le fasse de façon que toi tu n'arrives pas à cerner. Donc le fait que toi, tu ne puisses pas le faire, ne veut pas dire que Allah ne puisse pas le faire, lui. Et il dit ce que Cheikh Issam dit dans le ressenti, et là, il va lire son kalam. Ma zukira fi kitab wa sunnah min kurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma zakara min uluwihi wa fuqiyatihi fa innahu subhanahu wa ta'ala laysa ka mithli shay'in fi jami' nu'utihi wa wa'aliyun fi دنوه وقريب في علوه donc il dit ce qui était dans le kitab dans la sunna de la proximité d'Allah Azza wa Jal de sa ma'iyya ne s'oppose pas au fait qu'il soit élevé de son ulou et qu'il soit au-dessus car rien qui est comme lui dans toutes ses sifats il y a rien qui est comme lui donc pareillement dans son élévation rien qui est comme lui dans sa proximité il n'y a rien qui est comme lui tatimmatan inqasama an-nas fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi thalath aqsam que les gens dans cette ma'iyya se divisent en trois catégories de personnes. Al-qismu al-awwalu yaqulun inna ma'iyyata Allah ta'ala li khalqihi muqtadaha al-ilmu wal-ihata fi al-ma'iyyati al-'ammati ma'a an-nasr wal-ta'yid fi al-ma'iyyati al-khassa ma'a thubut 'uluwihi bi dhatihi wa istiwa'ihi 'ala 'arshihi. Donc les premiers sont ceux qui disent que la ma'iyya d'Allah avec sa création cela se fait par sa science du fait qu'il entoure toutes choses. Et cette ma'iyya est de deux sortes comme on l'a dit tout à l'heure. Khassa et Amma. La Khassa par son nom, son secours et son soutien. Et la Amma par sa science et tout le reste. Al-Qism al-Thani yakouloun inna ma'ayyat Allahi li khalqihi muqtadaha an yakouna ma'ahum fil ard ma'a nafi uluwihi wa istiwa'ihi ala arshihi. Wa ha'ulayhum al-hululiyyatu min qudama al-jahmiyyati wa ghayrihim. Madhhabuhum wa madhhabum batilun munkarun wa ajma'a al-salafu ala butlanihi wa inkaruhu. وَإِنْكَارِهِ كَمَا سَبَقْ نَعْمْ أَلَا بُطْلَانِهِ وَإِنْكَارِهِ مَعْتُوف. Donc, deuxième catégorie de personnes sont ceux qui disent que la ma'iyya inclut que Allah soit avec sa création sur terre et que cela s'oppose à son ulou et son istiwa sur la arche. Et ces gens-là, ce sont les hululiyya. Aqidat al-hulul, que Allah est dans sa création. C'est l'aqidat des Nasara qui disent que Allah est dans Isa alayhi salam. Bon, bien, ils ont bien de. Il y en a 17, ils ne le disent pas, tu vois. Mais c'est connu chez eux. Donc là, ce madhhab il est batil, munkar, et que les salafs étaient unanimes dans sa fausseté et dans le fait de blâmer ce madhhab. Al-qismu al-thalith yaqulun inna ma'iyata Allahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ard ma'a thubut uluhi fuqa arshihi. Zakara hadha al-shaykh al-islam ibn taymiyata fi majmu' al-fatawa. وقد زعم هؤلاء انهم اخذوا بظاهر النصوص في المعيه والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا فان نصوص المعيه لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لانه باطل ولا يمكن ان يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. Donc, troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui disent que ils ont voulu jouer entre les deux, que Allah il est dans son ulou et qu'il est dans sa création avec nous. Mukhtalit. D'accord. Il dit on a pris la parole des textes. Donc ils ont fait quoi? Du hulul kazalik, qu'ils ont rentré Allah dans sa création. Donc ce qu'on a, bien évidemment, a été réfuté et récusé. Et ils sont égarés. Mais Cheikh l'Islam a réfuté ce kalam-là, dans son majmou'. Tanbih, i'lam anna tafsir al-salaf lima'iyati Allah ta'ala li khalqihi bi'annahu ma'ahum bi'ilmihi la yaqtadi al-iqtisar 'ala al-'ilm bal al-ma'iyatu taqtadi aydhan إحاطته بهم سمعا وبصرا قدرة وتدبيرا نحو ذلك من معاني ربوبيته. Il dit que maintenant le fait que les salafs ont expliqué le ma'iyya comme étant que Allah est avec sa création par sa science, cela ne s'imite pas à sa science seulement, mais également avec son ouïe, avec sa vue, avec sa qudra, avec son contrôle, et les adhika, toutes les choses qui sont incluses de ربوبية. Ma i'arab. Elle ouvre la phrase. Bel al-ma'iyya taqtadi aydan ihatatahu bihim sam'an wa basara qudratan wa tadbira. Ma ya'lab sam'an wa basara wa qudratan wa tadbira. Al-awwal ma hu? Sam'an. Bel al-ma'iyya tu تقتدي ايضا احاطته بهم سمعا هل كيف هل هل لا فقل لي يجلي لا عشان يسمعوا السبيكر في المعيه تقتدي que sa maïa inclut qu'il est avec eux سمعا وبصيرا وقدرتين وتدبيرا اصبح حلو لا تمييز اصلحك الله تمييز يعني بهم dans la phrase كيف يحيط بهم comment ils cernent tu sais pas comment l'ibrahim il a été levé par quoi par tamiz hein là le hal tamiz il se ressemble il y a côté kayf mais le kayf du tamiz il est plus large. تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل وفطرة والإجماع. Après il y a dit autre tanbih qu'il a dit que j'ai bien précisé que le علو d'Allah تعالى est bien affirmé dans le kitab, dans la sunna et par la raison et par la fitra et l'ijma. Maintenant c'était l'adilé par rapport à cela. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فطارة باللفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. Donc maintenant parfois dans le Coran ça vient avec le terme ulu directement ou ce qui a un sens de fouqi de dessus ou l'istiwa sur le arsh ou le fait qu'il soit dans les cieux et qu'on dit dans les cieux veut dire au-dessus des cieux, on précise à chaque fois. وهو العلي العظيم. العلي ça vient de quoi? العلو. وهو القاهر فوق عباده. Il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Fouqa. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Tamam. A'amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard. Avez-vous, sentez-vous donc à l'abri de celui qui est dans les cieux? Man fi sama. Et fi la bimana ala. Donc ça c'est dans le Coran. Wa taratan bil lafz su'ud al-ashya wa 'urujha wa رفعها إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. Donc maintenant après parfois le ulu, ce ulu, est indiqué par d'autres termes, comme le fait que les choses remontent vers lui. Comme il dit que c'est vers lui que remontent les bonnes paroles. Ta'aruju al-malaikatu wa ruhu ilayhi. Que les malaïkas, les anges, et le ruh, c'est-à-dire Jibril, remontent vers lui. Iskallallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Quand il a dit que Isa, je vais te prendre et t'élever vers moi. T'élever, rafi'uka. Tamam. Wa taratan bil lafz nuzul al-ashya minhu wa nahwih. Après, tantôt également, ça peut être par le fait que les choses descendent de lui. Donc, une chose qui descend ne vient qu'une chose qui est au-dessus. Kakouli Allah ta'ala, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Dit, cela a été descendu par le souffle divin de ton Seigneur. Man ruhul qudus? Jibril. Jibril, alayhi salam. Yudabbiru l'amra min as-sama'i ila l'ard. Qui contrôle toutes choses depuis les cieux vers la terre. Donc ça, ça vient de quoi? Du haut vers le bas. Ça, c'est dans le Coran. وَأَمَّا السُنَّةُ فَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ بِأَنْوَعِهَا الْكَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَالْإِكْرَارِيَّةِ فِي أَحَادِيثِ كَثِيرَةِ تَبْلُو حَدْ التَّوَاتِرِ وَرَى وُجُوهِ مُتَنَوِّعَةٍ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى. Maintenant dans la sunna كذلك, plein de calls sont venus qui amènent dans le même sens. Et dans les actions du Nabi صلى الله عليه وسلم, et dans le fait qu'il est conscient des choses, qui amènent à ce que, qui démontre la ulu d'Allah Azza wa Jal. Des hadiths qui atteignent le stade du tawatur. Ils sont très nombreux. La salaine, dans ce sujoud, qu'est-ce qu'il dit? Subhana Rabbi al-A'la. Que soit purifié, mon Seigneur, le plus haut. Wa qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha, lamma qada al-khalqa kataba indahu fuqa arshihi, inna rahmati sabakat adabi. Que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a fini de tout déterminer pour la création, il a écrit dans un livre qui se trouve au-dessus du Arsh, il a dit que ma miséricorde a devancé ma colère. Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ne croyez-vous pas en moi alors je suis celui de confiance pour celui qui est aux cieux. Wa thabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa wala minbar yawm al-jumu'ah yaqul Allahumma arithna, qu'il a levé les mains sur le minbar yawm al-jumu'ah. Pour le stifqa, il a dit, ô Seigneur, fais-nous pleuvoir. Wa nu rafa'a yadah ala as-sama'i wa huwa yakhutubu an-nas yawm arafah hina qalu nashhad annaka qad ballaght wa addayt wa nasaht fa qala Allahumma ashhad. Que le jour de Arafa, il a levé sa main vers les cieux alors qu'il sermonnait les gens, lorsqu'ils ont dit, nous témoignons que tu as retransmis, que tu as donné et que tu as conseillé. Il a dit, ô Allah, témoigne. En levant la main vers le ciel. Et ce qu'il a dit à la Jariya de Muawiya, il lui a dit "Inna Allah qalat fi sama fa karraha wa qala li sayyidiha a'tikaha fa innaha mu'mina." Il lui a dit quoi? Où est Allah? Elle a dit dans les cieux. Après elle a dit "Man ana?" Elle a dit "Rasulullah." Il a dit à son maître, libère-la car c'est une croyante. Et ce hadith, les gens de la Bid'a ont essayé de l'affaiblir ou quoi, et tout ce qu'ils ont apporté a été réfuté. Et ceux qui l'ont fait cela ne l'ont fait que par Hawa, ittiba al Hawa. Et ilmiyan, il n'y a pas un hafiz qui a critiqué ce hadith. Ma fi intiqad ala al hadith alladhi rawahu muslim. Et quand même ce hadith-là aurait été muntaqad, il y a d'autres adillah, de toute façon. Plein d'autres. Donc. Mais parmi les plus kawis, c'est celui-là. Asrah adillah, parmi les adillah les plus clairs, il y a celui-là. C'est pour ça que tu les verras maintenant, les Asha'ira, mais c'est l'Arbesh, ce hadith-là. Tu sors ce hadith-là, oui, mais le hadith, kaza, kaza, kaza, il ne parle même pas l'arabe, il va sortir des ilal dans le hadith. Tu dis, aslahakallah, hadakallah. Parce qu'ils copient, eux, ils répètent ce qu'on leur dit, tu vois, mais ça, qu'ils sont. On leur a fait un lavage de cerveau. Amma l'aqlu, donc maintenant, c'est que il a mis du kitab, il a mis la sunna, maintenant, il sort le aql. فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص العلو صفة كمال والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. Que Allah est décrit par les sifat de perfection et que l'élévation est en est une, alors que le fait d'être en bas, ça c'est plutôt un défaut. طيب نعم. واما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. فما من داع أو خائف فزع لربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمينة ولا يسرة يمنة ولا يسرة كلا جيبنا في فترة toute personne qui se retourne vers Allah عز وجل dans la détresse qui a peur ou quoi ressent ce sentiment de se tourner vers le ciel même chez les kuffars tu vas le voir il va pas à droite à gauche quand il invoque il regarde pas vers la droite il regarde pas vers la gauche et encore moins vers le bas il regarde où vers le ciel tout de suite il est forcément appelé à lever la tête à regarder vers le ciel même chez les kuffars tu vas voir ça أسأل واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حينئذ وحين ذاك Il demande ceux qui font la salat lorsqu'ils sont prosternés et qui disent Subhana Rabbi al-A'la, leur cœur vers où ils tournaient leur cœur? Vers le ciel, vers l'élévation, bila ashak. Donc ça c'est الدلالة للعقل. إذ أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. Donc l'ijma, c'est que les sahaba, les tabi'un et les a'imma, tous ont dit cela, que Allah est au-dessus des cieux. Mustawi ala arshihi. Maktaba huna. Ça, c'est connu d'eux. D'accord ? Ça, c'est connu d'eux. Qala al-awza'i, kunna wa tabi'una, mutawafiruna, naqul inna Allah ta'ala, fauk arshihi, wa nu'minu nu'minu, بما جاءت به السنة من الصفات الأوزاعي dit que nous ainsi que le tabi'un nous disions que Allah est au-dessus de son arche et nous vous avons pour croyance de ce qui est venu dans les textes dans la sunna par rapport aux sifat وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحالا يقع في مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها المكابر طمس على قلبه واشتالته اشتلته الشياطين فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية. Donc là, les ijma des gens de science rapportés, l'ijma rapporté pour les gens de science, et qu'il n'y a pas de khilaf, et que les hadiths sont venus également pour cela. Et le seul qui s'oppose à cela, c'est Moukabir, un orgueilleux entêté, celui dont le cœur a été effacé ou qui a été détourné de la fitra par les shayatin. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها وأظهرها دليلا وحق الأشياء وثبتها واقعا que l'existence d'Allah عز وجل par son naissance et par ses sifat et parmi les choses les plus claires les plus flagrantes ce sont les fortes les preuves les plus fortes et les plus affirmées ما يعرب أظهرها دليلا ما يعرب دليلا تمييز نعم بعد إف تفضيل تنبيه ثالث troisième tanbih. اعلم ايها القارئ الكريم انه صدر منك كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها ان عقيدتنا ان الله ان لله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به وتقتدي احاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه وتعالى منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفق عنها وهو مستوين على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير donc il a dit quoi Cheikh Nusaymin un autre tanbih qu'il a dit une fois dans un... qu'il a écrit... il a fait un écrit pour certains étudiants dans lequel il parle de la ma'iyya dans lequel il explique bien l'aqida qu'il a, que Allah a une ma'iyya qui est réelle. D'accord ? Et dans la phrase, il a dit « ma'iyya haqiqa dhatiyya taliqubi » et le mot « dhatiyya » a posé problème. Car cela a laissé entendre que Allah est avec nous par son essence. Le shir, c'est pas ce qu'il a voulu dire par là, mais le mot qu'il a employé a porté confusion. Donc après, il a fait un taudih, qu'il a dit, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais il faut faire attention, c'est vrai que lui-même il a dit, au terme qu'on emploie, parce que des fois ils peuvent être mal compris, et que le terme n'est pas approprié. Quand il a dit Zatiyah, il a jamais voulu dire que Allah est avec nous, par son essence, par sa présence, par lui-même. Ça là impliquerait quoi? El hulul. Il le dit bien, que Allah n'est pas avec nous, rien. Mais, pour pas que les al-bida yastaghillun hadhi al-kalima sumidribuna biha ala wujuhina waddah wa bayyin il éclaircit jazakallahu khayra. Et à la fin du livre d'ailleurs il y a une risala où il parle de cela, il fait un tabin par rapport à ça. Donc là tout le kalam qui suit c'est par rapport à ça, tamam, on va pas le lire là, mais il fait un bayyin pour faire comprendre que tout ce qu'on a dit auparavant, al-ma'iyya elle est là hakikatan, mais kama tadiku billahi azza wa jalla, et que ça, ma'iyya, elle a lieu, c'est une sifat dhatiyya, c'est-à-dire qu'elle est liée à Allah Azza wa Jal, mais ça ne veut pas dire que Allah en lui-même est avec nous. D'accord? Mais c'est une sifat dhatiyya, al-ma'iyya. La tanfak ani dhat. Mais qu'il est avec nous, bi-gimaza, bi-ilmihi, wa bi-sam'ihi, wa bi-basarihi, wa tadbirihi, wa sultanihi, wa ghayr zalika, bima taqdihi, rububiyatuh. Naam. Et ma'a, fil ma'iyya al-khassa, avec son ta'yid, son nasr, ou ghayr zalika. Naam, fa sanaqifuna wa kammalna ma yatalaq bil ma'iyya, c'est le sujet assez long. Rajan an yakun mafhouman. Naam, ça va bien. Je pense qu'il y aura besoin encore de deux ders pour finir les shubuhat. Et après, il y a une khatima, une conclusion. Naam. Mafhouma hada. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.